Chapitre 17. Épilogue. Deux mois après, on célébra le mariage de Philippe et de Mariette. C'était un mardi, par l'un des premiers beaux soleils du printemps. À la fin d'un exquis déjeuner de famille, dans la grande serre du jardin de Barrières, les deux témoins au mariage, le président du cercle des négociants et le riche minotier de la digue, s'en retournèrent à leurs affaires. Bientôt, les familles des mariés émirent ensemble le désir d'aller dans le voisinage faire un tour de promenade par les champs de sable et de rocailles que traverse la coulée de lave et que part l'immobile clarté du petit étang de Luneau. M. Barrières donnait le bras à Mme Ravin, qui souriait ainsi qu'à l'ordinaire, heureuse du bonheur de son fils. M. Ravin donnait le bras à Mme Barrières, qui dissimulait mal, elle si modeste, son orgueil. Les jeunes mariés marchaient devant, sur la piste charretière, zigzaguant vers les trois maisons blanches aux toits rouges du Cap. Mariette, en sa toilette blanche, avait ce jour de fête tout l'éclat de sa beauté, la royale beauté de son visage brun et doré, de sa personne à la taille haute, droite et souple. Quelquefois, quand Philippe lui disait des choses un peu familières, elle s'inclinait câlinement sur son épaule et fermait à demi les yeux. Les trois couples parlaient bas, comme s'ils eussent craint d'effaroucher les promesses de cette heure radieuse, la joie qui est aussi sensible qu'un oiseau chantant sur la branche. C'est donc vrai qu'on ne saura jamais où est passé ce drôle de Micmic ? Demanda Mme Ravin. Ma foi, non, jamais, répondit M. Barrières. Personne ne parle plus de lui. On oublie si vite. Et Mme Barrières demandait à M. Ravin : On n'a donc plus de nouvelles du Château Vert ? Si, madame, répondit M. Ravin. Jusqu'à présent, les Jalades me donnent satisfaction par leur docilité, leur bon ordre, leur zèle à l'ouvrage. Ils ont raison. Mais leur Thérèse ? Cette petite écervelée n'a pas cédé, du moins encore. Elle préfère servir loin d'ici, chez des amis de la Croisette, à Cannes. Tant mieux, après tout, puisque là-bas, elle apprend à obéir. Mais c'est une enfant, elle aime son château vert. Elle finira bien par se soumettre à ma loi quand elle comprendra la nécessité d'être sage, de conformer à la possibilité de ses ressources, ses ambitions et ses goûts. D'ailleurs, ses parents sont, autant qu'elle, des enfants qui ont besoin d'être gouvernés. La lumière céleste répandait par le souriant espace sa splendeur sur le long bourrelet de sable qui, d'une courbe gracieuse, s'en va là-bas, très loin, toucher le pied rocheux du vert promontoire de Sète, sur les vignes bourgeonnantes des Ouglous, sur la grande mer bleue, çà et là dentelée d'écume, sur la petite colline de lave où scintillait le pauvre gîte goudronné de la vieille Julia, désormais seule, enfin sur le joli étang de Luneau où reposait, depuis tant de jours, parmi les ajoncs et les nénuphars, à côté de sa bouteille de vin, ce malheureux Micmic. Fin du roman de Georges Baume, Le Château Vert.